إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، يا من شددتم الرحلة لطلب العلم ظنا بإخوانكم الخير، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنكم وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. وهذا الترحيب إخوة الإسلام إنما هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أئمة الدين، لمن يأتونهم ليتعلموا منهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتضله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وهذا جاء في صحيح الترغيب والترهيب. Bienvenue à vous, frères en Allah Azza wa Jal, qui êtes venus pour cette réunion, hein, pour essayer un petit peu ensemble de se faire des rappels, et que vous avez des bonnes croyances sur vos frères, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne ce que vous ne savez pas, qu'il fasse que nous soyons dans le meilleur des situations que vous croyez sur nous. Et le fait de souhaiter la bienvenue, ça fait partie de la voie de ne plus Allah alayhim. Quand les gens viennent vers eux, ils leur souhaitaient la bienvenue, ridwanullah alayhim. Ils mettaient dans ce sens-là, ils mettaient le hadith du prophète alayhi salatu salam, de Sufwan ibn Assal, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il a dit une fois, il est arrivé vers le prophète alayhi salatu salam, il lui a dit: ya Rasulallah, je suis venu apprendre la science. Il lui a dit: bienvenue à toi, le demandeur de la science. Car celui qui demande la science, les anges l'entourent de ses ailes, hein, et lui fait une ombre parce qu'ils agressent ce qu'il est en train de faire. Fa'id, كذلك نرحب بكم أيها الإخوة ونعمل بهذا الحديث النبوي نرجو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا فمرحبا بهم يوم يلقون الله عز وجل. وهذا جاء في السلسلة الصحيحة. Et quand on vous souhaite la bienvenue aussi, c'est que en mettant en application ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, nous espérons aussi cette bonne nouvelle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dont le hadith rapporté par Cheikh Nasr rahmatullah alayhi dans la chaîne des authentiques, qui a dit: quand l'homme dit aux gens bienvenue, qu'ils s'attendent à la bienvenue le jour de la résurrection. Fa ndoro ma hawlana matalan fi hadhihi al-ayyam fi hadhihi al-'utlah fi ayna sayaqduna hadhihi al-'utlah. فلنحمد الله عز وجل أن جعلنا وإياكم نلتقي على ما يحبه ويرضاه. Regardez pour voir le bien dans lequel nous allons être et nous sommes, بإذن الله عز وجل, durant ce week-end. C'est que regardez ce moment, ce week-end, où les gens ils vont le passer, pour comprendre le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre tous, et nous comble tous, et pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour le remercier. Car ceux, wala in shakartum la azidannakum, ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont reconnaissants, Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente. فأحمد الله إليكم أن هيأ لنا هذه اللقاءات والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا لكم لنا ولكم فيها وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه إنه سميع مجيب. Et nous louons Allah سبحانه وتعالى qui nous a facilité ces réunions. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous bénisse ces réunions et que nous fasse prendre la voie de son agrément, Azza wa Jal. وهذه المجالس المباركة إن شاء الله هي من باب الحفاظ والمحافظة على منهج سلفنا الصالح والدعوة إليه وبيان فضله للناس, لأنه السبيل الوحيد والأوحد للنجاح والفوز برضوان الله عز وجل. فإن الله عز وجل سيزسيز بنت من الله عز وجل إن شاء الله font partie du fait de préserver la voie de nos puiseurs de Allah عليهم, et de se maintenir sur cette voie, et d'appeler vers cette voie, et de montrer les bienfaits de cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, car c'est la seule voie qui amène vers la réussite, et vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه طريق وهذه سبيل توصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى لمن صار عليها حق المسير ولمن أخذها من أصولها أي الوحيين الكتاب والسنة بفهم ونهج سلف هذه الأمة. Cette voie, c'est la voie unique qui ramène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sources de cette voie sont le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam, selon la voie et la compréhension du puiseur d'Allah. Celui qui l'apprend, ben il sera dans une quiétude dans ce bas monde. Et ce qu'il attend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun œil n'a pu le voir, ni aucun oreille n'a pu entendre parler des choses qui l'attendent dans le delà, ni aucun cœur ne peut soupçonner ce qui l'attend dans le delà. Faut-il encore l'apprendre comme il se doit. وهي هذه السبيل والكلام عن هذه السبيل وتعلم قواعد هذه السبيل هي من طلب العلم, وطلب العلم عبادة شرعية تحتاج إلى ما تحتاج إليه أي عبادة أخرى, ألا وهو الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le fait de chercher et d'apprendre cette voie de ne plus erreur d'Allah alayhim, ça fait partie de la science légiférée. Et c'est un acte d'adoration. Et comme tout acte d'adoration, il a besoin de nous, de sincérité et de suivi. Il faut que dans chaque acte d'adoration, que nous soyons dans, que nous le fassions sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le suivi de Muhammad alayhi sallatu wassalam. Wa la yasilu ila tahqiqi al-ilmi illa man تحلى بآدابه وتخلى عن آفاته. ولهذا كان لطلب علم الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة مكانة شريفة عالية في شريعة الله عز وجل, وكان لهم كذلك وعد من الله عز وجل ووعيد كذلك لمن تخلف عن تحقيق هذا العلم وبعد عنه. ولذلك قال عالم الفوائد إمام ابن القيم رحمه الله, فإن أعلى الهمم في طلب العلم, وهنا يعني رحمه الله تعالى طلب علم الكتاب والسنة, وهو الذي بينه في قوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم. Et n'arrive au fait d'accomplir cette science que celui qui se dote des comportements de cette science et qui se débarrasse des défauts. Parce qu'il y a des défauts qui empêchent le fait d'avoir cette science. Et il y a un comportement et des comportements à acquérir pour pouvoir acquérir cette science. C'est pour ça que celui qui demande la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna, selon la compréhension et la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim, il a une place noble. Cette voie a une place noble chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et une haute place aussi dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui agissent ainsi ont une promesse min Allah azza wa jal. Et ceux qui font le contraire et qui ne demandent pas cette science authentique ont des avertissements min Allah azza wa jal. Et c'est pour ça que Imam Ibn Qayyim rahmatullah alayh, il a dit les hautes aspirations sont dans la demande de la science. Les hautes envies de personnes doivent être dans le fait de demander la science. Et pour Ibn Qayyim rahmatullah alayh, ici la science, il s'agit de la science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il dit dans l'un de ses poèmes, rahimahullah ta'ala, que العلم الله أدي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي لكمبانيون أندي رضوان الله عليهم جميعا فطلب علم الكتاب والسنة والفهم عن رسول الله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم فمن رزق من أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد رزق خيرا كثيرا أن يرزق الإنسان الهمة العالية لتحقيق هذا المطلب هذا وفق من الله سبحانه وتعالى donc le livre d'Allah سبحانه وتعالى le fait de demander la science du livre et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام avec la compréhension du puiseur d'Allah celui qui Allah سبحانه وتعالى a comblé de prendre cette voie et de demander la science selon cette voie celui-là il est dans un grand bienfait من الله عز وجل et celui qui a cette envie en lui celui Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes du bien, il a été guidé. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في منظومته اعلم هديت إن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يزيل عن القلب الشبهات والشهوات وهو العلم النافع ولا شك أن الشبهات تورث الشك والدرن فهاتين آفتين عظيمتين يزيلهما العلم النافع علم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة الشيخ السعدي رحمة الله عليه دولان دو سي بوام il a dit sache que الله سبحانه وتعالى te guide que la meilleure des choses avec lesquelles les gens sont comblés ou l'être humain peut être comblé c'est une science qui te débarrasse du doute et des impuretés et qui te dévoile la vérité et qui dévoile la vérité au cœur et qui amène l'être humain vers le but. Le but c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il n'y a que la voie de la science bénéfique. Qui, de laquelle va découler les bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime y agréer. Cheikh Saadi rahmatullahi alayhi a cité ici deux choses dans ce poème. Il a cité deux choses qui vont nettoyer le cœur et qui vont purifier le cœur des ambiguïtés et des tentations. Et cette chose qui va nettoyer le cœur des ambiguïtés et des tentations, c'est tout simplement la science bénéfique. Il n'y a aucun doute que les ambiguïtés font hériter dans le cœur et installent dans le cœur le doute et les impuretés. Et ça, ce sont de grands défauts, géants. Et ces deux énormes défauts, et ces deux impuretés, qui sont le doute, et qui sont la tentation et les ambiguïtés, ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous en débarrasser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sahaba on dit ridwanullah alayhi. فكلما ازداد العبد علما نافعا زاد يقينه وازداد إيمانه وبهذين الأمرين تتم السعادة للعبد والفلاح والفوز قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Plus le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa science du livre et sa science de la sunna et la science plus ils prennent les règles de la voie de nos puiseurs d'Allah alayhi, plus sa certitude augmente. Et plus sa foi augmente aussi, parce que c'est une bonne œuvre il est évident que la foi augmente avec la bonne œuvre et diminue avec la mauvaise œuvre. Donc, il n'y a aucun doute que la personne, quand il agit ainsi, sa foi va augmenter. Et avec ces deux points, à savoir la science bénéfique, la personne va arriver à son bonheur et à sa réjouissance déjà dans ce bas monde, avant l'au-delà. Parce que, comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi et d'autres, il y a un paradis dans ce bas monde, celui qui ne l'a pas connu ne connaîtra pas le paradis dans l'au-delà. Ce paradis qui est dans le cœur, qui est trouvé, le fait de trouver le délice dans l'adoration et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci bien sûr, il découle du fait de la science bénéfique. Et il est dit dans le verset, et nous avons fait des guides qui guident avec notre ordre, quand ils ont patienté et quand ils avaient la certitude sur nos versets, sur nos signes. Quand ils ont patienté à quoi? Patienté déjà à apprendre et à mettre en application et à endurer quand il arrive quoi que ce soit et avoir la certitude sur la parole d'Allah, sur l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu salam et aussi à méditer cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette univers énorme. Et c'est avec ça qu'on arrive vers le fait d'être des guides dans la communauté. فَالْعِلْمُ النَّافِعُ يُتْمِلُ عَمَلًا صَالِحًا وَقَوْلًا صَالِحًا وَالْجَهْلُ يُورِثُ عَمَلًا سَيِّئًا وَقَوْلًا سَيِّئًا. Il est évident que la science bénéfique, il va en résulter quoi? Son fruit, ça va être quoi? La bonne œuvre. Et ça va être aussi la bonne parole et la parole bénéfique qui sera bénéfique pour la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Une parole qui va être bénéfique aussi pour les autres. Et il est évident que l'ignorance, il va en découler quoi? Il va en découler la mauvaise œuvre et des mauvaises paroles. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim قال الجهل داء قاتل. Ça, Ibn al-Qayyim rahmatullah, il a dit l'ignorance c'est une maladie qui tue. Et son remède, il l'a fait dans deux choses. Et son remède dans la science du livre et de la sunna, mais il faut un médecin. Et ce médecin, c'est ce savant digne du nom. Ce savant qui t'enseigne, qui t'ordonne les règles, qui commence avec toi par le biaba des choses pour te ramener. Il commence avec toi avec les bases pour te ramener vers, pour te faire évoluer dans les sphères de la science. فالفطن العاقل إخوة الإسلام يحرص كل الحرص على أن يجتهد في تحصيل العلم النافع لينتفع ويرتفع. Et celui qui est doué de raison, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, il s'acharne, il tient, il fait des efforts à acquérir la science bénéfique pour qu'il prenne, il puisse prendre bénéfice dans ce bas monde et pour qu'il soit élevé aussi dans le delà bi'idhnillah azza wa jalla. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يكون الى دي الرسول صلى الله عليه وسلم دون حديث تونتيك رابورتي بار امام البخاري والامام مسلم رحمه الله تعالى celui à qui الله سبحانه وتعالى veut du bien il lui donne la compréhension de la religion ou là il le verse dans les sciences de la religion. Et si tu veux le comprendre bien, prends-le dans l'autre sens. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, ben il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Et il n'est pas dans le bien. لأن التفقه في الدين إخوة الإسلام يحصل به العلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. Car le fait de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la voie du puiseur d'Allah alayhim, ben cela, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène le fait d'œuvrer et de faire les bonnes œuvres comme il se doit. والعمل الصالح هو الذي جاء في الآية في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Et la science bénéfique, c'est celle qui est citée dans le verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée. La guidée ici, c'est la science bénéfique. Et la religion vraie, ici, c'est la bonne œuvre. فإذا كان الأمر كذلك إخوة الإسلام فوجب علينا أن نحرص على طلب العلم الشرعي وأن لا نضيع أوقاتنا وأن نحرص على أن نحصل ما أمكننا من تحصيله. فيجب أن يكون حرصنا على طلب العلم أكثر من حرصنا على المال. لأن الله عز وجل puisqu'il en est ainsi, nous devons tenir et s'acharner à l'apprentissage et avoir le maximum de la science bénéfique, de la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension du puiseur d'Allah. Il faut qu'on s'acharne plus que notre acharnement sur les choses de ce bas monde. Et la science bénéfique est beaucoup plus importante que les choses de ce bas monde. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات وهذه لا تكون إلا بالعلم خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Et il est dit dans le verset, la fortune, les enfants, c'est l'embellissement de ce bas monde. Mais ce qui reste, les bonnes choses qui vont rester, le baqiyat ou salihat, et celle-ci tu ne peux l'obtenir qu'avec la science. Comment tu peux savoir le baqiyat salihat? Sinon, il faut que tu apprennes ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi et ce que t'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Hadi khairun 'inda rabbika tawaban wa khairun amala. Et celle-là, c'est ce qui ramène la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est elle dans laquelle il y a le meilleur des espoirs. Wallahu tabaraka wa ta'ala لم يأمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء، أن يطلب الزيادة من المال أو من الجاه أو من الأولاد، وإنما طلب منه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يطلب منه أن يزيد علما. قل وقل ربي زدني علما. الله سبحانه وتعالى pour attirer notre attention sur l'importance de la science, il n'a pas demandé à son messager عليه الصلاة والسلام. Il n'a pas demandé à son messager, alayhi salatu wassalam, de, il lui a pas ordonné de demander autre chose, ou là de demander les choses de ce bas monde, ou là les enfants, ou avoir beaucoup de femmes, ou autre, mais il lui a fait intimer l'ordre de demander de la science. Il dit, souverain, augmente-moi la science, donne-moi plus de science. Ah, alors qu'il a reçu notre prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que c'est l'imam des savants, par excellence. Et il a eu le savoir par excellence min Allah Azza wa Jal. Wa kana da'iman alayhi salatu wassalam idha sarafa min salati al-fajr yaqul Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Wa hadha hadith sahih 'inda Ibn Majah wa ghayrihi rahimahumullah ta'ala. Et tout le temps le prophète alayhi salatu wassalam faisait ce dua après quand il termine salat al-fajr. Il dit, « Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une œuvre acceptée et agréée et une bonne subsistance. » Et ceci est un hadith authentique pas rapporté par l'imam Ibn Majah et par d'autres. « Wa laqad imtanna Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi bi ni'mati al-'ilm li'anna min a'zami ni'ami Allah azza wa jall. » Qala azza wa jall, « Wa anzala Allah 'alayka al-kitaba wal-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. » وكان فضل الله عليك عظيما. الله سبحانه وتعالى comblé notre messager عليه الصلاة والسلام avec ce grand bienfait qui est la science, qui est le plus grand et le plus énorme des bienfaits. Et il est dit dans le verset, الله سبحانه وتعالى a descendu sur toi le livre, il hikma, c'est-à-dire la sunna, et il t'a appris ce que tu ne connaissais pas auparavant, et les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sont énormes sur toi. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضوان الله عليهم أن الحرص على طلب العلم أفضل من الحرص على المال. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام a appris et incité les compagnons رضوان الله عليهم au fait de demander la science, et que le fait de demander la science est beaucoup plus important que le fait d'aller chercher, de courir derrière l'argent. Évidemment, il faut courir, il faut aller chercher ses subsistances, mais il faut aussi, il faut pas que ça nous fasse oublier les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas non plus que ça soit au détriment de ce que nous devons savoir, ce qui est obligatoire pour nous. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله. من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. Et un jour, dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim رحمه الله تعالى, Rasoul صلى الله عليه وسلم dit: est-ce que quelqu'un parmi vous ne va pas le matin à la mosquée pour apprendre ou pour lire deux versets du livre d'Allah? Ce sera mieux pour lui que deux chamelles. Et trois, ce sera mieux que trois chamelles. Et quatre versets seront mieux que quatre chamelles. Et ainsi de suite. Hein? Et les chameaux dont, à l'époque des compagnons de Mohammed alayhi salam, et dont la vie du bédouin coûte très cher. Quand tu sais que maintenant, un chameau, hein, au moyen, il faut que tu comptes 1500 euros. Deux versets valent mieux que tout ça. Hein? Deux versets valent mieux que tout ça. Hein? Et ainsi de suite. Et ça, ce langage, vous le connaissez, c'est le langage des gains. Et le langage du commerce. Et tout un chacun de nous, quand on lui parle de commerce et du gain, il a la bave qui commence à sortir. On est tous cet être humain qui a envie de gagner. Quand on commence à nous miroiter des gains, etc., et des trucs faciles qu'on va gagner, ben, on en bave un peu. Ben, regardez les orientations du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme on bave pour les choses de ce bas monde, il faut qu'on bave aussi pour ces orientations du prophète alayhi salatu wassalam qui sont le réel commerce. Le commerce qui va nous amener vers la réelle, le réel bénéfice. Le bénéfice dans ce bas monde et dans le delà. Parce que tes actes accomplis sur une science bénéfique vont te laisser dans une quiétude dans ce bas monde. Hein? Et si tu te conditionnes avec la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il est voie du type iserve d'Allah alim, tu vas être tranquille avec tout le monde. Les gens, de toi, ils ne vont voir que le bien. Parce que tout ce que tu fais, que ce soit vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis d'autres, tu vas observer Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Tu vas savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes. Et qu'il t'a comblé d'un grand bienfait qui est la science, et que ça c'est une preuve qui va être ou pour toi ou contre toi. Donc ça va t'amener une quiétude dans ce bas monde. Et dans le delà, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il te réserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui demandent la science et qui la mettent en application. Bi'idnillah azza wa jal. Fa akha al-islam tadhabu ila al-masjid litata'allama ayatayn min kitabillah. Ou tadhabu ila ayi makan litata'allam. Hein? آيتين من كتاب الله خير لك من ناقتين من إبل العرب. فهذا ربح عظيم. Le fait d'aller quelque part pour apprendre deux versets, ou à la mosquée si c'est possible dans les mosquées, ou à la mosquée ou ailleurs pour apprendre deux versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est mieux que deux chamelles, akhal islam. Et ceci est énorme. Et ce langage, hein, le troupeau, les chameaux, etc., le connaissent réellement les bédouins du désert. Ils savent ce que c'est que la valeur du dromadaire, etc. Hein? Et il est évident que la science bénéfique est quelque chose de très important et beaucoup plus important que la fortune et que toute autre chose dans ce monde. قال علي رضي الله عنه العلم خير من المال. Écoute l'un de tes puiseurs d'Allah alayhi, qui est علي رضي الله تعالى عنه وارضاه, qui fait partie des quatre khalifs, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prendre leur chemin. Alaykum bi sunnati wa sunnat al khulafa ar-rashidin al-mahdiin, addu alayha bin nawajid, cramponnez-vous à ma sunna, et à la sunna des khalifs bien guidés, mordus dessus avec vos molaires. Ali radiallahu ta'ala wa arda fait partie de ces khalifs. Et il a dit, la science est mieux que l'argent. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, car la science, il te protège. Et toi, tu protèges ta peur pour ton argent. La protège. Hein? La science te protège dans quel sens? Ben, il t'arrête à tes limites. Tu ne vas pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu arrives à la ligne rouge, ça va sonner. Attention. Il y a le châtiment d'Allah qui va en découler si tu dépasses ce point-là. Hein? Il va te pousser à accomplir les choses du bien. Hein, parce que chaque fois tu vas te rappeler des promesses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait quand tu fais une bonne œuvre, ou là que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a fait, tu vas accourir. Donc, il est un grand gardien, un énorme gardien pour toi. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il te protège du mal et en même temps il te pousse à accomplir les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم c'est lui le juge. Et la fortune, c'est elle qu'on juge. C'est-à-dire la fortune, tu fais pas ce que tu veux avec. Il doit être géré selon la science. Tu fais pas avec ta fortune ce que tu veux. Hein? Quant à la science, c'est elle qui te dirige. Et l'argent, il est dirigé. Il est dirigé par quoi? Tu dois sortir la zakat, comme le veut Allah. Tu ne dois pas le dépenser comme toi tu veux et le gaspiller, faire du gaspillage. Même si tu l'as gagné dans le halal, tu n'as pas le droit de le dépenser n'importe comment ou de le jeter par les fenêtres. Là, tu es obligé. Donc il est conditionné. Quant à la science, c'est elle qui conditionne. C'est elle qui conditionne ta vie. C'est elle qui t'oriente à faire ou à ne pas faire. C'est elle qui te dicte les ordres d'Allah et ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Et c'est elle qui te dicte aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالنفقة. Et la fortune, il va diminuer avec le fait de dépenser. Le fait de dépenser pour sa famille, de dépenser pour acheter des choses dont tu as besoin, etc. Il est évident que l'argent, que la fortune diminue. Mais la science, elle, plus tu la propages, plus il augmente. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا ليس بحديث وإنما هي حكمة عند القدماء. Parce celui qui met en application ce qu'il sait, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera l'héritage de ce qu'il ne sait pas. Et ça, ce n'est pas un hadith, c'est simplement une sage parole sinon plusieurs d'Allah alayhim. Plus tu mets en application, plus Allah subhanahu wa ta'ala te comble de science. L'argent, plus tu dépenses, plus ça diminue. وقال ابن الزبير بن أبي بكر كتب إلي أبي بالعراق عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا. Et ابن الزبير بن أبي بكر رحمه الله تعالى a dit que son père lui a écrit alors qu'il était en Irak. Il a dit: cramponne-toi à la science, apprends la science, car c'est tu es dans la pauvreté, la science va t'enrichir. Et si tu es riche, la science va t'embellir. Ça se peut que la science t'enrichit matériellement. Ça se peut aussi qu'elle te donne une richesse que peu ne connaissent pas. C'est la satisfaction. Hein? Comme il a dit l'imam Shalqiti rahimahullah, il a dit: je suis rentré à Médine et j'avais un trésor que peu savaient. C'est la satisfaction. Et s'il voulait, rahimahullah ta'ala, il aurait eu la fortune du monde. Alors qu'il est mort, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, il ne connaissait pas les feuilles, le papier, l'argent en feuilles, il ne le connaissait pas. Rahmatullah alayh. Et pourtant, c'était l'un des grands imams et l'un des grands exégètes du Coran, hein, de notre son Adwa al-Bayan. C'est une énorme référence. Hein. Ouais, il avait cette richesse qui est la satisfaction. Et regarde, quand on est, regarde, beaucoup ne sont pas satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a destiné. Regarde dans le mal dans lequel, comment ils sont perturbés. Pourtant, ils peuvent rien changer. Tu peux rien changer à ton destin. Et regarde comment ils sont perturbés. Mais si tu sais que ce que tu as ne te ratera pas, et ce que les choses dans lesquelles tu es privé, tu ne pourras pas les voir, ça c'est une science qui te vient d'une aqidah. D'un hadith du prophète sallam qu'il a enseigné à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala wa arda. Donc, tu vas être à l'aise, n'importe comment. Tu sais que la situation, la subsistance que tu as, c'est celle que tu devais avoir. Donc, tu vas pas être perturbé. Hein? Et donc, c'est-à-dire que la science, le fait de connaître quelque chose, de la mettre en application, ça t'enrichit. Et si tu es riche, ça t'embellit. Hein? Tu crois? Prends l'exemple de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. L'argent courait de rire, et il avait de l'argent, rahmatullah ta'ala. Hein? Et ça n'a fait que l'embellir. Il lui donnait encore plus de place et plus de respect vis-à-vis des gens. Hein? Rahmatullah ta'ala. Et il n'arrêtait pas d'œuvrer et de mettre cet argent Donc, toute œuvre bénéfique, hein, et tout un chacun qui frappe à sa porte, qui est dans le besoin, hein, il est servi. Même ceux qui sont venus le voler une fois. Il y a un Pakistanais, une fois, qui est monté sur sa terrasse pour voler. Mais il s'est fait arrêter, ils l'ont donné aux flics. Mais cher, il avait le pressentiment. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans la maison. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui est venu pour prendre quelque chose. Et on l'a donné à la police. Ramenez-le. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Il avait besoin d'argent pour aller faire une opération à sa mère là-bas en Inde ou au Pakistan. Et Cheikh, il lui a donné. Hein? Il lui a donné. Vous voyez un petit peu, c'était comment ils étaient avec la même histoire. Une autre histoire est arrivée à Cheikh Nasser aussi, la même chose. Une femme était endettée. Il a entendu le fait, c'était endetté pour acheter une maison. Il a entendu les paroles de Cheikh Nasser sur le riba, etc. Il a appelé Cheikh pour cette histoire de maison. Il voulait s'en débarrasser, mais il lui manquait de l'argent. Cheikh lui a... Elle est venue, il a demandé à Cheikh de lui prêter. Cheikh, il lui a donné la somme qu'il doit rendre à la banque. Il lui a dit, vas-y, mais tu me dois rien du tout. « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Même en ayant, quand tu as la science, même quand tu as la fortune, tu sais la mettre là où Allah subhanahu wa ta'ala va te combler de ses bienfaits. Là, dans les endroits qui vont te ramener un grand bienfait min Allah azza wa jal. Hein? Donc, et même si tu ne l'as pas et tant que tu as la science, bah, tu es dans une énorme fortune que peu connaissent. Hein? وقال بعض السلف اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم et certains puisaient والله عليهم disaient si tu veux ce bas monde apprends la science. Pour eux la science c'est la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام. واذا اردت الاخره فعليك بالعلم et si tu veux ce bas monde, si tu veux l'au-delà aussi il faut que tu apprennes la science, hein, et si tu veux واذا اردت الدنيا والاخره فعليك بالعلم. Tu veux les deux, hein? Apprends la science bénéfique et tu auras les deux من الله عز وجل. فننظر أحوالنا الآن مع طلب العلم إلا من رحم ربك. وكيف أوقاتنا تضيع في قيل وقالوا. كن مديت maintenant notre situation vis-à-vis de la science bénéfique. Et comment notre temps se perd dont ils ont dit, nous avons dit, il a été dit. Hein? Dans des futilités. فالحرص إخوة الإسلام على طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله عز وجل بل هو أفضل من الجهاد. Le fait de tenir à la science et de s'acharner à apprendre la science de la législation, c'est un combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plus important que le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Car le combattant sur le sentier de l'Allah, il a besoin de la science. Sinon, il va faire n'importe quoi. Et il est dit dans le verset, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Il est dit dans le verset, et les croyants n'avaient pas à sortir tous. Ici, le terme qui est utilisé, c'est nafara. Et ce terme, ce verbe, il s'utilise pour la sortie vers le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé ici pour la sortie vers la demande de la science. Il dit, c'est certains parmi eux, ils n'ont pas à sortir tous, mais c'est certains parmi eux partaient à la demande de la science, au fait de comprendre la religion, et d'acquérir la science de la religion pour avertir leur peuple quand il revient. Peut-être que ils vont faire attention. C'est-à-dire quand il revient vers leur peuple, et il les avertit, leur peuple vont faire attention. فَسَمَّا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلْ طَلَبَ الْعِلْمِ وَالْخُرُوجَ لِطَلَبِهِ نَفِيرًا كَالنَّفِيرِ لِمُلَاقَاتِ الْعَدُوِ فَجَعَلَ رَبُّنَا عَزَّ وَعَلَى الْخُرُوجَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ والخروج من البيت الى بلد اخرى لطلب العلم نفيرا في سبيل الله. هذا كما الله سبحانه وتعالى في هذا الفرصه Il a nommé le fait de sortir à la demande de la science. Il lui a donné, il a utilisé l'expression qui s'utilise pour sortir vers le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu sors vers une mosquée pour apprendre, hein, la science du livre et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, ou le fait de quitter ton pays pour aller dans un endroit, dans un pays où tu vas apprendre, ceci, c'est comme si tu es sorti sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu es sorti sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le combat. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي جاهدهم بماذا؟ جاهدهم بالقرآن وما نزل إليك من الحق أي العلم جهادا كبيرا إيه الله سبحانه وتعالى en s'adressant au messager عليه الصلاة والسلام dans cette traduction approximative il n'oublie pas aux mécréants et combattre avec quoi? Avec le Coran, avec la science que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, combattez avec, accomplis la preuve contre eux, hein, combattez d'un grand combat, avec quoi? Avec le Coran, la preuve, accomplis la preuve, montre-le le chemin, montre-le la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, montre-leur le chemin clair qu'ils doivent, hein, suivre. Et c'est avec la science que s'accomplit la preuve, hein. ويقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم il est dit dans le verset rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Abu Dawud combattez les associateurs avec votre argent là avec vous-même en sortant sur le sentier ou avec vos langues et avec vos langues on fait quoi on accomplit la preuve on le fait comment avec la science bénéfique avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام ومعلوم أخ الإسلام أن الجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة والبرهان عليهم وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي وبالعلم أخ الإسلام تدفع الشبهات وبه يحاج أهل الباطل على باطلهم وتأمل قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما خرج لمحاجة الخوارج حاجهم بالقرآن والسنة فرجع منهم من رجع لأن القرآن أساس كل علم والسنة كذلك et les connus ce qui est connu c'est les hommes de science c'est que le combat avec la langue c'est pour accomplir quoi pour accomplir la preuve pour éclairer les situations pour dissiper le nuage des ambiguïtés et ceci il n'arrive qu'avec la science de la législation avec la science on repousse les ambiguïtés Avec la science, on accomplit la preuve contre ceux qui sont dans le faux et contre les égarés et ceux qui veulent égarer les gens. Médite la situation d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, quand il est parti hein, débattre avec le Khawarij et accomplir la preuve contre le Khawarij. Est-ce qu'il a ramené son opinion? Il a débattu avec eux, avec les versets, avec le hadith du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Avec la sunna, avec le Coran et la sunna. Car la science bénéfique s'assure sur le Coran et l'authentique de la sunna du prophète. Les deux tiers du Khawarij sont revenus de leur égarement. Ce que Allah a voulu qu'ils reviennent, sont revenus, ils étaient à peu près deux tiers. Et un tiers est resté, et Ali radiallahu ta'ala anhu, wa arda, les a combattus. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man ja'a masjidi hada, lam ya'ti illa li khayrin, yata'allamuhu, ou yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient vers ma mosquée, il parlait de sa mosquée, le doigt de l'alim, mais ça concerne toutes les mosquées où il y a la science bénéfique, où il y a un homme de science qui apprend, qui enseigne, etc. Il dit, celui qui vient à ma mosquée ici, pour apprendre un bien, ou pour enseigner le bien, et là, il est au même pied d'égalité que le combattant sur le sentier d'Allah. Il est au même pied d'égalité. Hein? Et le hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam ibn Majah, rahimahullah. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه écoute l'un de nos plusieurs de Allah عليهم qui est Abu Darda رضي الله تعالى عنه وارضاه il dit celui qui voit que le fait d'aller le matin et de sortir le soir vers la demande de la science que ce n'est pas un combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala il dit هذا il a une diminution dans sa raison Et son opinion n'est pas complète. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que le fait de sortir et d'aller chercher la science, c'est un combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه nous montre c'est quoi le meilleur des combats. Il dit le meilleur des combats c'est le fait de construire une mosquée et d'y enseigner le Coran et la jurisprudence et la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Parce que rien ne peut s'accomplir sans cette science bénéfique. Même le combat sur le sentier de Allah, il a besoin de comprendre ses règles. Ces règles, ils sont dans où? Ils sont dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ أي قَالَ لِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُرِيدُ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْجِهَادِ تَأْتِي مَسْجِدًا فَتُقْرِئُ فِيهِ الْقُرْآنِ وَتُعَلِّمُ فِيهِ الْفِقْهِ. Un homme est venu vers Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma et il lui a dit, je veux aller combattre sur le sentier d'Allah. Abdullah ibn Abbas lui a dit, tu veux que je te montre quelque chose de mieux que le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, tu vas vers une mosquée et tu enseignes le Coran et tu enseignes la jurisprudence, le fiqh. Ça, c'est mieux que le fait. Regardez vers quoi il l'a orienté, Ridwanullah alayh. Et regardez notre situation maintenant. Est-ce que la communauté, maintenant, dans l'état actuel des choses, et dans la faiblesse matérielle dans laquelle se trouve la communauté, est-ce que la communauté a besoin d'être jetée dans la gueule du loup, ou là a besoin d'apprentissage et d'enseignement maintenant? Qu'on soit doué de raison, encore plus maintenant, nous avons besoin, et notre communauté a besoin, d'apprentissage et d'authentification de ses croyances et d'authentification de ses adorations. Regardez, hein, les fausses croyances. Regardez les cultes qui se donnent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez aussi, hein, les lacunes qu'il y a dans un acte des plus importants après l'attestation de foi qui est la prière. Hein, regardez les problèmes qu'il y a. Regardez les erreurs qu'accomplissent certains dans leur prière. Ça veut dire que maintenant, encore plus, nous avons besoin d'apprentissage, nous avons besoin de ce grand combat qui est le fait d'apprendre et de propager cette science bénéfique et d'authentifier les croyances de nos contemporains et aussi de rectifier et de corriger les erreurs qu'ils ont dans leur adoration. فطلب العلم إخوة الإسلام جهاد في سبيل الله فهل من معتبر يا من تدعي الجهاد فهذه توجيهات نبيك عليه الصلاة والسلام وسلفك الصالح رضوان الله عليهم. En fait, de demander la science bénéfique frère en Allah Azza wa Jal, c'est un combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on va prendre la leçon? Ceux qui prétendent, les jihadistes qui prétendent le jihad, doivent prendre la leçon. Dans quoi? Dans la parole d'Allah, dans l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et dans les orientations de nos puissants d'Allah alayhi. Surtout quand on voit la faiblesse dans laquelle se trouve la communauté. La faiblesse matérielle et la faiblesse aussi au niveau de la foi. Au lieu d'envoyer notre jeunesse à être des chairs à canon, ici et là, il faut les orienter à l'apprentissage, à connaître mieux Allah subhanahu wa ta'ala, à accomplir comme il se doit ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, à maîtriser ce qu'ils doivent maîtriser en ce qui concerne leurs 24 heures. Hein? Quand tu vois quelqu'un, quand il lui arrive un problème dans sa prière, il sait pas quoi faire, il arrête tout, il recommence. Hein? Pourtant, hada, c'est une science qui était obligatoire à l'islam. Tu dois savoir rappeler ta prière. Tu dois savoir rapisser ton odo aussi, s'il t'arrive une lacune, quand tu es, hein, il te parle du jihad, il te parle de la mécréance de tel gouverneur, etc. Ya akhal islam, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi en premier. Accomplis dans ta vie les trois principes fondamentaux qui sont la connaissance d'Allah, comme il se doit, pour que tu l'adores, comme il se doit, et accomplis en toi dans ta vie la connaissance de l'islam et de ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala, et accomplis toi dans ta vie la connaissance de ton prophète alayhi salatu wassalam et de sa sunna pour que tu puisses le suivre comme il se doit. Quand il sera dans ta tombe, là, personne, là, les deux anges, Nakir ou Amonkar, vont pas te poser la question sur le fait pourquoi t'as pas rendu tel mécréant ou là tel gouverneur, pourquoi tu l'as pas rendu mécréant. Mais ils vont te dire, hein, trois questions. Accomplis-les, akhal islam. Hein? C'était quoi ton sevrin? Ça veut dire qu'est-ce que tu adorais dans ce bas monde? C'était quoi ta religion? Et c'est quoi ton prophète? Hada! Si on sait ça, regardez. Ceux qui sont doués de clairvoyance, ceux qui ont eu la science bénéfique, et ceux qui ont suivi leur puiseur d'Allah alayhi, comme l'imam Mohamed Mablab, rahmatullah alayhi, quand il a vu autour de quoi tourne la vie des gens, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit une épître dont tout le monde a besoin, l'Usul Talata. Parce qu'il a vu que la vie des gens s'accomplit sur ces trois fondements. Et qu'à la fin, une fois dans leur tombe, c'est la question qui leur sera posée. Hein? Dans l'islam, nous devons méditer l'héritage que nous ont légué ces puiseurs, Allah alayhi, pour pouvoir accomplir ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, et pour être dans une clarté et dans un chemin clair que nous a légué le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit taraktukum ala al-bayda layluha ka nahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur une voie claire, ne s'égare de cette voie que celui qui cherche sa perte. Fa ikhwat al-islam, l'ilm al-shar'i يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. Et la science bénéfique, frère en Allah Azza wa Jal, élève celui qui l'a et celui qui l'apprend dans ce bas monde et dans le delà. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Il est dit dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont la science à des degrés plus élevés. Pourtant, ceux qui ont la science rentrent dans les croyants. Il les a cités en particulier. Ce sont eux les premiers qui rentrent dedans. Ceux qui ont la science rentrent en priorité dans les croyants. Mais il les a recités, après les avoir cités en général, il les a cités en particulier pour attirer l'attention sur leur importance, pour qu'on puisse prendre la leçon et pour s'acharner à avoir ce que nous pouvons avoir selon nos capacités de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de science légiférée qui a rapport avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. ابن عباس de nous dire, رضوان الله عليهم, الله سبحانه وتعالى il élève les hommes de ceux qui ont la science parmi les croyants à des degrés plus élevés. Ils auront plus de degrés, ils seront plus élevés que ceux qui n'ont pas la science. Les croyants sont élevés, mais ceux qui ont la science sont à des degrés plus. ونفع ربنا عز وجل التسوية بين أهل العلم وغيرهم. الله سبحانه وتعالى a fait la négation de l'égalité entre les hommes de science et les autres. فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Il est dit dans le verset, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais ne se rappellent que celui qui est doué de raison. والله تبارك وتعالى استشهد بأولي العلم على أعظم شهادة وهي شهادة التوحيد. الله سبحانه وتعالى pris comme témoin les hommes de science sur un témoignage le plus important. Le témoignage pour lequel les cieux et la terre ont été créés. Le témoignage pour lequel les balances vont être dressées le jour de la résurrection. Les témoignages pour lesquels existe le paradis et l'enfer qui est ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Et il est dit dans le verset, Allah a témoigné qu'il n'est digne d'être adoré que lui. Les anges ont témoigné, et tout de suite après qui? Les hommes de science. Cela te prouve l'importance. Et tous ces versets doivent nous pousser à avoir une part de cette science bénéfique. وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي نَبَذَهُ الْكَثِيرُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَأَنْتَ تَرَى فِي أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُ فِي بُيُوتِهِمْ إِلَّا إذا مات عندهم أحد حتى صار من عادات بعض الناس أنهم إذا سمعوا الفاتحة والقرآن من السجال قل هل مات عندكم أحد صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. Et la meilleure des sciences et la plus importante des sciences c'est la parole d'Allah Azza wa Jal que beaucoup lui ont donné le dos. Ils l'ont laissé derrière eux. Hein? Et certains, dans certains, dans la mentalité de certains, le Coran ne se lit qu'une fois qu'on a un mort dans la famille. À tel point que des fois dans certains quartiers, les gens ils entendent le Coran ou l'Al-Fatiha et ils frappent à la maison. Est-ce que vous avez eu un mort aujourd'hui, Allah? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. À ce degré, certains sont arrivés. Et c'est un degré, c'est une situation qui est très grave. فلا نهتم بحفظ كتاب الله ولا بتدبره ولا نحفظ أولادنا ولا نساءنا ولا بناتنا et on ne s'occupe pas à apprendre ni à méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ni à l'apprendre aux enfants ni à nos femmes ni à nos familles ni à nos filles ولكن ننفق أموالنا في إرسال أولادنا وبناتنا يحصلوا على الشهادات والدكتورات دكتورات الدنيا الفانية أما أن نرسلهم وأن نرحلهم لحفظ كتاب الله ولطلب العلم الشرعي فهذا لا يهتم به إلا القليل ها؟ وهم قلة أن الله عز وجل alors que de s'occuper de nos enfants et d'envoyer nos enfants à l'apprentissage et à l'apprentissage du Coran ou à l'apprentissage de la science bénéfique, il y a peu de gens qui le font. Mais on s'occupe à ce que nos enfants aient des doctorats et des brevets et des diplômes, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais il faut en même temps avec hein, le minimum, hein, au moins la science obligatoire pour tout un chacun. Hein, moi, un peu de part d'il Coran, un peu de part d'il Sunna, etc. Là, on s'acharne tout. On met tout le paquet sur quoi? Sur les sciences mondaines. Peu importe que l'on voit notre sœur ou là notre fille, même toute seule. Hein? On habite dans une région, là, la fac est de l'autre côté. Il prend le train, il n'y a pas de problème. Daroura, ils disent. Quel daroura, akhal islam? Hein? Alors que prendre nos enfants et aller les installer quelque part, pour qu'ils mémorisent le Coran, hein? Ah, peu de gens le fassent. Ils sont vraiment minimes. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente et nous donne la clarté, hein, dans notre situation. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ يَا ابْنَ آدَمَ فِي الدُّنْيَا فَعَلَيْكَ بِالْقُرْآنِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا. Si tu veux faire partir des gens du bien, frère en Allah, Azza wa Jal, dans ce bas monde, avant le delà, apprends le Coran et enseigne-le. Apprends le Coran et enseigne-le. Fasma' li rasulika sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Wa yaqulu Azza wa Jal, ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى et il est dit dans un hadith rapporté par l'imam مسلم الله سبحانه وتعالى élève avec ce livre des gens il rabaisse avec d'autres il les élève leur donne l'honneur dans ce bas monde et aussi dans le delà et il rabaisse d'autres avec هذا l'un des préfets de Omar ibn al-Khattab sur la Mecque. Il est venu vers Médine. Omar ibn al-Khattab, il se retrouve nez à nez avec Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, qui t'a laissé comme remplaçant derrière toi à la Mecque? Il lui a dit, j'ai laissé l'un de nos serviteurs qui s'appelle Ibn Abi Habza. C'est qui ce Ibn Abi Habza? Il lui a dit, c'est l'un de nos serviteurs qui connaît le Coran et qui connaît la science de l'héritage. Il lui a dit, j'ai entendu votre prophète dire, Allah subhanahu wa ta'ala élève avec ce livre des gens et rabaisse avec d'autres. Il a laissé qui? Ce préfet, ça te prouve, ce préfet, il était doué de raison. Il savait ce qu'il faisait. Parce que, en ayant laissé son serviteur à la tête de la communauté de la Mecque, il savait ce qu'il faisait. Il a laissé quelqu'un qui a le livre d'Allah et qui a la science de l'héritage. Et Omar ibn al-Khattab, quand il l'a entendu, il l'a approuvé. Et il l'a dit, j'ai entendu votre prophète dire, Allah subhanahu wa ta'ala élève avec ce livre des gens, il rabaisse avec d'autres. فَإِذَا حَفَظْتَ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَمِلْتَ بِهِ فِي رَفَعَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا. Et quand tu apprends le livre d'Allah Azza wa Jal et tu le mets en application, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève dans ce bas monde. Alors, pour ce qui concerne le delà, hada, tu ne sais pas ce qui t'attend comme agrément min Allah Azza wa Jal là-bas. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, yuqalu li sahib al-Qur'an ayyawm al-qiyama, iqra, warqa, walattil, kama kunta tulattilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Wahada akhrajahu l'imam Tirmidhi rahimahu Allah ta'ala. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il sera dit le jour de la résurrection à celui qui a le Coran, lit le Coran et monte en grade, monte en degré. Et Psalm dit le Coran comme tu le faisais dans ce bas monde. Et plus la personne lit, plus selon les versets qu'il récite, il va monter jusqu'à ce qu'il s'arrête de lire. فأين نحن من القرآن إخوة الإسلام أين نحن من حفظ كتاب الله أين نحن من تدبر كتاب الله وصمنوا فخيرنا الله عز وجل du fait de la mémorisation du Coran et de la lecture du Coran et du fait de méditer la parole d'Allah عز وجل وأين نحن كذلك من تعلم العلم الشرعي الذي هو أصل الكتاب والسنة وتعلم العلم الشرعي من سلكه فهو في طريق إلى الجنة. Et où sommes-nous frères? On a Allah Azza wa Jal du fait de la demande de la science. La science qui a rapport avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ce chemin et ce moyen et cette voie, celui qui l'apprend, il a pris déjà un sentier qui va, qu'il dirige directement vers le paradis. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهذا جاء في صحيح الجامع للشيخ ناصر رحمه الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم dit que celui qui prend un chemin dans lequel il demande de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait prendre un chemin qui l'amène parmi les chemins qui mènent au paradis. Et que les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de la science parce qu'ils agréent. Les anges agréent ce que ce demandeur de la science fait. Et l'homme de science, les habitants des cieux et de la terre lui font des doigts. Même les poissons au fin fond de la mer, hein, et les vertus de l'homme de science par rapport à la sète, et à l'adorateur, sont comme la pleine lune par rapport à n'importe quel astre. L'astre, tu vois sa lumière de loin. Il s'éclaire juste lui-même. Mais quant à la pleine lune, elle, il éclaire tout le monde. Il en est ainsi de l'homme de science. Les hommes de science sont une lumière pour nous. Quand nous sommes dans des ambiguïtés, qui on appelle? On les appelle une sorte des ambiguïtés. Quand nous avons des difficultés, où nous sommes dans des impasses, on s'oriente vers eux, et ils nous donnent la clarté, ils nous donnent la lumière dans laquelle on est. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait cette description. Et il dit, alayhi sallatu wassalam, et les hommes de science, ce sont les héritiers des prophètes, alayhi sallatu wassalam. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage un sou, mais ils ont laissé la science, et celui qui prend la science, il a pris la plus grande part du bien. Bah, médite cette fin de ce hadith, frère en Allah, azza wa jal. Apprends un peu de cette science bénéfique et tu auras eu un des héritages, un peu de l'héritage des prophètes alayhi sallatu wassalam. Et notamment l'héritage des derniers parmi eux qui est Muhammad alayhi sallatu wassalam. Et ça, c'est le meilleur des héritages. Hein, c'est celui-là. Souvent, on est content quand nos parents meurent ou etc. et qu'on va se partager un héritage. Mais regardez le réel héritage qui va nous servir dans ce bas monde et dans le delà, c'est le fait d'avoir acquis un peu de cette, hein, du livre d'Allah et de la science du livre d'Allah et la science de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فالعلم الشرعي كذلك إخوة الإسلام يورث صاحبه الخشية في القلوب، إنما تأتي بالعلم، إن العلم يكون وازعك يمنعك عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. إذا قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إيه فخيرون الله عز وجل la science de la législation fait hériter à la personne la crainte d'Allah dans son cœur. Et il est dit dans le verset, certes, crains Allah parmi ses serviteurs, ceux qui savent. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu arda a dit, ceux qui savent, ceux qui connaissent la ilaha illallah. Ceux qui connaissent la ilaha illallah. Parce que si tu connais la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les obligations de la ilaha illallah, il est évident que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il est évident que tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc l'interprétation d'Ibn Abbas est une excellente interprétation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que كذلك جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على طلب العلم. Et c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à l'apprentissage et à la demande de la science. La science de la législation. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. Et il a dit عليه الصلاة والسلام ce bas monde est maudit et tout ce qui est dedans est maudit sauf l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui va avec. Et un homme de science est celui qui apprend. Et d'où va venir cette invocation? Il vient de quoi? De l'apprentissage, akhal islam. Il vient de la science. Il vient du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et d'où va venir cet homme de science, l'alim? Il va venir d'où? De la science. Il a appris. Il est muta'allim. Ben, il est en train d'apprendre. Donc, tout revient à quoi? Revient à la science de la législation. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية كيف تعرفها أخ الإسلام إن لم تعرفها بعلم الكتاب والسنة أو علم ينتفع به من أين لك هذا العلم الذي سينتفع به من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له فهذا الولد الصالح من أين سيأتي إن لم تربيه تربية مصدرها الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة كيف يمكن أن يكون صالحا وكل هذا أخ الإسلام المذكور في هذا الحديث لا يأتي إلا بالعلم النافع. الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce hadith rapporté dans صحيح الجامع a dit que l'être humain quand il meurt ses actes vont se couper, c'est fini, sauf trois actes qui vont rester, qui vont continuer à rapporter à la personne des bénéfices et des récompenses. Sadaqa jariya, une œuvre courante, c'est-à-dire il a construit une mosquée. C'est là, tant que les gens prient dans cette mosquée, tant que l'enseignement se fait dans cette mosquée, ben la récompense tourne. On appelle sadaqa al-jariya, c'est quelque chose, c'est une œuvre qui n'arrête pas de ramener du bénéfice à la personne. Ou là, quelqu'un qui a creusé un puits dans un désert. Les gens en profitent, les oiseaux en profitent, les animaux en profitent, ben il a la récompense tout le temps. Et aussi une science de laquelle les gens vont profiter. Et un enfant vertueux qui lui fait des du'a. Mais médite avec moi ces trois choses, frère en Allah, Azza wa Jal. Sadaqa al-jariya, comment tu vas savoir que ça c'est une sadaqa al-jariya si tu n'as pas la science? Comment tu peux laisser une science qui va être bénéfique aux gens si tu ne l'as pas appris? Et comment tu peux laisser derrière toi un enfant vertueux si tu ne l'as pas éduqué avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc tout revient à quoi? Tout ce bien qui va nous ramener des récompenses une fois qu'on est dans notre tombe, il revient à quoi? Il revient à l'apprentissage, frère en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que nous devons nous acharner, frère en Allah Azza wa Jal, à l'apprentissage. Fa, wa nata'allam ikhwata al-islam al-hirsa ala al-ilm wa sidqa wa al-ikhlasa fi talabi al-ilm. Il faut que nous apprenions, frère en Allah Azza wa Jal, le fait de tenir à l'apprentissage. Et le fait d'être véridique et d'être sincère dans la demande de la science. Il faut que nous apprenions tout ça. Et nous avons des exemples. فَلَنَا أَمْتِلَ فِي دَلِكَ خُدْ مَتَلًا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَمْتِلَةِ فِي الْحِرْسِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَأَنْتَ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبت علينا أن نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، وفيها دروس، فيها دروس في الحرص على طلب العلم في القضية التي جرت بين الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام. نون الله عز وجل il faut qu'on apprenne comment à tenir à l'apprentissage. Il faut qu'on apprenne la véracité et la sincérité dans la demande de la science. Et nous avons des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Prends Moussa alayhi salam. C'est un des grands exemples dans le fait de tenir et de s'acharner à l'apprentissage. Hein? Et le fait d'être véridique dans l'apprentissage. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une sunna qui est le fait chaque vendredi comme aujourd'hui, on doit lire Sourate al-Kahf. Dans Sourate al-Kahf, il y a l'exemple de celui qui tient à la science qui est Moussa alayhi salam. Et c'est les positions qu'il a eues avec le Khadr. صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين فيقول ابي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال اتعلم احدا اعلم منك قال موسى لا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه de nous dire j'ai entendu le rasoul صلى الله عليه وسلم dit alors que Moussa il était dans une assemblée de Banu Israël. Et tout d'un coup, un homme est arrivé vers lui, il lui a dit à Moussa, est-ce que tu sais, tu connais quelqu'un qui est plus savant que toi? Moussa lui a dit non. فَوْحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضَرْ. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé à Moussa, non, certes, il y a quelqu'un qui s'appelle Khadr. Notre serviteur, le Khadr. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ فسئل أي العلم أعلم أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه أن يقول الله أعلم فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. Et dans une autre version, Moussa alayhi salatu wasalam, il était khatib dans son peuple, il faisait une khutbah à son peuple, et un homme, on lui a posé la question, qui est l'homme qui a le plus de science? Il a dit moi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réprimandé parce qu'il n'a pas remis la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, il y a l'un de nos serviteurs qui vit vers entre à la réunion des deux mers. Il est plus savant que toi. Fasa'alai Moussa as-sabila ila luqiyyi. Et Moussa alayhi salatu wassalam, alors qu'il fait partie, hein, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé, hein, il fait partie des Ouli l'azm min al-rusul, les cinq prophètes doués de ferme résolution, il a dit, comment je peux le rencontrer? Dans la grande place qu'il a Moussa alayhi salatu wassalam. Et c'est le plus important et le plus grand du prophète parmi Banu Israël, parmi les prophètes de Banu Israël, il a dit, comment je peux le rencontrer? Wa fi riwayatin qala, ay Moussa, ay Rabbi, wa man li bih. Et dans une autre version, il dit, ya Allah, comment je peux le retrouver? Comment je peux le voir? Comment je peux le rencontrer? أو قال يا ربي وكيف لي به فجعل الله له الحوت آية وقيل لا إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. الله سبحانه وتعالى lui a fait un signe avec le poisson. Il a dit quand tu perds le poisson et que tu le retrouves, c'est là où tu vas rencontrer cet homme. Là où tu as perdu le poisson, hein? Quand tu vas chercher ton poisson et que tu vas revenir sur tes pas, c'est là où tu vas le retrouver. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يتبع وتر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. Et موسى عليه الصلاة والسلام essayait de voir pour le poisson etc. Et à un moment donné il a dit au serviteur qui était avec lui, au jeune qui était avec lui, t'as vu quand nous sommes installés vers le rocher, j'ai oublié le poisson et c'est الشيطان qui me l'a fait oublier. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. موسى dit c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons. فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. Et موسى lui a dit c'est ce que nous cherchons. Donc ils sont revenus sur leur pas et là où ils ont perdu le poisson, ils ont trouvé le khadr. Et l'histoire vous la connaissez tous, ce qui s'est passé entre eux, موسى عليه الصلاة والسلام et le khadr. وفي رواية فإذا رجل مسجى أي مغطى فسلم موسى فرد عليه فقال أي الخضر وأنا بأرضك السلام. Et dans une autre version, il a trouvé un homme qui était couvert par son vêtement, enveloppé dans son vêtement. Et Moussa alayhi salam lui a dit « Salam alaykoum ». Khadr lui a dit « D'où sur cette terre que tu connais salam ?» C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui utilisent salam. C'est pour ça que Khadr lui a fait cette réplique. Et il lui a dit « Ana Moussa, qala il Khadr, Moussa bani Israël, qala na'am, ataytuka li tu'allimani mimma 'allimta rushda. » Et Moussa lui a dit « Je suis Moussa ». Khadr lui a dit « Tu es Moussa du Banu Israël ?» Il a dit « Certes, je le suis, c'est moi, mais je suis venu vers toi pour que tu m'apprennes de ta science. » La science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. « Khala il Khadr ya Moussa, inni ala ilmin min ilmi Allahi allamanihi Allahu la ta'lamuh. Wa anta ala ilmin. » Min ilmi Allah allamakahu Allah la a'lamu. Il Khadr lui a dit, j'ai une science que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée que tu ne connais pas, ya Moussa. Et tu as une science que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée que moi je ne connais pas. Qala ya Moussa, ay hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Moussa lui a dit, est-ce que je te suis pour que tu m'apprennes ce que tu as comme science? Regarde maintenant le comportement. Est-ce que je te suis? Tu peux me permettre de te suivre pour que tu m'apprennes le comportement akhal islam. Qala ta'addaba ma'ahu bi'adabi talib al-'ilm wa lam yatakabbar wa lam yaqul ana min uli al-'azmi min ar-rusul. Regarde, l'orgueil n'a pas habité Moussa alayhi salam. Il s'est pas dit moi je fais partie des prophètes doués de ferme résolution. Je suis pas le prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé. Tout ça, il l'a pas dit, mais il a pris le comportement, il lui dit, je te suis pour que tu m'apprennes de la science que tu as. ولذلك قال بعض السلف رضوان الله عليهم لن ينال درجة العلم إلا إذا أخذ ممن دونه وممن هو أعلى منه وممن هو في مرتبته. Et le plusieurs de Allah alayhim ont dit, n'arrive pas au degré de la science sauf ceux qui ont appris de ceux qui sont au même niveau qu'eux. Et qu'ils apprennent de ceux qui sont plus bas dans le niveau qu'eux. Et de ceux qui sont plus hauts dans le niveau. C'est-à-dire que tu apprends de tout le monde. L'orgueil ne vient pas t'habiter. La science ne cohabite pas avec l'orgueil. C'est-à-dire s'il y a une personne qui est plus bas que toi dans la science, il n'y a pas de problème que tu apprennes. Et les dépuisés d'Allah alayhim, quand ils sont arrivés dans leur voyage, dans l'apprentissage, ils sont rentrés à Damas et pourtant ils se sont assis dans des assises de gens qui ne leur arrivaient pas, qui n'ont pas le dixième qu'ils ont comme science. Et ils ont dit à la fin, je suis sorti de la ville avec 5 points et ça me suffit comme voyage. C'est, j'avais rien retenu que de mon voyage vers Damas, que ces 5 points, c'était suffisant. Pourtant, chez qui ils l'ont appris, c'était quelqu'un qui n'a pas le dixième de la science qu'ils avaient. Ainsi ils étaient, radhiyallahu anhum. L'orgueil ne les habitait pas. Pas comme nous maintenant, mais qu'est-ce qu'il va m'en prendre de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et ainsi de suite. Et ça, il est évidemment que ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle, il est évidemment que ça fait naître quelque chose, des barrières dans le cœur, et ça nous empêche, et ça nous donne, hein? Ça nous empêche, et ça, il faut s'éloigner de ce genre d'obstacles, hein? Parce qu'il est des fois, tu peux entendre des paroles de quelqu'un, tu penses même pas. Certains, Hada Omar ibn Abdelaziz, son fils, il avait à peine 10 ans, il lui a appris une chose. Il l'a mise en application son père, d'Allah alayhi. Pourtant, il venait de prendre les rênes de son pays. Il venait d'être désigné comme Khalifa. Il venait d'enterrer son cousin. Et son petit garçon de 10 ans lui a attiré son attention sur un point. Il n'a pas dit ça c'est mon petit-fils ou là, Hada, ça c'est le petit enfant, il ne sait rien du tout. Il l'a mis en application tout de suite. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا الخضر lui a dit tu ne peux pas patienter avec moi, comment tu peux patienter sur des choses que tu ne connais pas et tout le reste de l'histoire vous le connaissez, vous le lisez dans sourate Al-Kahf. فلما ركب في السفينة خرقها وكان ما كان، ومر بالغلام فقتله، ومر بالجدار فبناه، وموسى في كل مرة يتأدب ويسأل. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Et donc, l'histoire, vous la connaissez. Quand il est monté, ils sont montés dans le bateau à la fin, Khadr a cassé une partie du bateau. Hein? Et il y a eu la réplique qu'il y a eu de Moussa alayhi salam, qui n'a pas compris cet acte qu'a fait le Khadr, alors que ce sont des gens qui les ont transportés. Hein? Après, ils sont passés à côté d'un gamin, le Khadr l'a tué. Encore une fois, hein? Moussa alayhi salam lui a posé des questions, mais toujours à chaque fois, le comportement y est, était dans la façon de poser les questions. Et à la fin, à la troisième question, Al-Khaver a construit un mur. Il lui a dit: tu aurais pu prendre un salaire pour ce mur. Il a dit: ça, c'est la limite entre moi et toi. C'est la séparation entre moi et toi. Maintenant, je vais t'annoncer les choses que tu ne connais pas. Les choses pour lesquelles tu n'as pas patienté, maintenant je te les annonce. Je te dis pourquoi. دروس وعظات وعبر تؤخذ من موقف الخضر مع موسى. Il y a des leçons à retenir, hein, et à prendre en considération dans cette situation entre le Khadr et Moussa عليه الصلاة والسلام. أولا الحرص على طلب العلم الشرعي حتى الموت. La première des choses, c'est de tenir à l'apprentissage de la science jusqu'à la mort. ويظهر ذلك من موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأل ربه عز وجل كيف يصل إلى هذا الرجل الذي عنده من العلم ما لم يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. فخرج موسى وتزود وركب البحر ليصل إلى هذا العالم ليتعلم منه. Et cela apparaît dans la position de Moussa alayhi salam quand il a demandé à Allah azza wa jal comment il peut arriver à la rencontre, comment il peut rencontrer cet homme qui a cette science que Moussa n'a pas. Et Moussa, après ses prévisions, hein, et il est parti à la recherche de l'Khadr. L'an, كم من الناس يرحل من بلد إلى بلد لجمع المال. فانظر أحوال الكثير منا كيف نتسابق إلى التجارة في ألمانيا في هولندا في كذا في كذا. هل نفعل هذا في طلب علم الكتاب والسنة؟ Maintenant, regardez notre situation maintenant et qu'on se voit pas la face et on vise personne, frère en Allah Azza wa Jal. Ce qu'on veut, c'est de se conseiller mutuellement. هذا le but. Combien de gens parmi nous maintenant court à travers l'Europe pour aller aux bonnes affaires, en Allemagne, en Hollande, ici, là, en Angleterre, etc. Hein? Et qu'on regarde la réalité en face. Hein? Et combien de nous se font la concurrence pour aller à l'apprentissage de la science? Méditons notre situation. Et tout un chacun est responsable de lui-même. Et tout un chacun sait ce qu'il fait et qui se connaît lui-même. أنت رقيب على نفسك. كم من الناس يرحل من بلد إلى آخر ليتعلم العلم الشرعي؟ القليل موجود، ولكن بالنسبة هي نسبة قليلة. Combien de gens partent pour l'apprentissage de la science de la législation? Ça existe, mais par rapport à la quantité et à la masse, c'est relatif, c'est peu. كم من الناس وكم منا يرسل أولاده إلى بلد مسلم ليتعلم القرآن أو ليتعلم السنة. Combien parmi nous maintenant, vous êtes tous des darons, et la majorité de vous ont des enfants. Combien parmi vous ont envoyé des enfants dans un pays pour qu'ils apprennent le Coran, ou là pour qu'ils apprennent le Hadith, ou là pour qu'ils apprennent l'arabe? Combien? قليل إلا من رحم ربك. Peu, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons, nous et vous parmi eux. فهمنا الأكبر إخوة الإسلام أن يتخرج أولادنا طباء أو مهندسون ولا مانع أن يكون ولدك طبيبا وداعيا أخ الإسلام ولا مانع أن يكون ولدك نجارا وداعيا ولا مانع أن يكون ولدك مهندسا وداعيا ولا ميكانيكيا وداعيا لكي يخدم هذا الدين من خلال عمله. من لهذا الدين إخوة الإسلام؟ من لهذا الدين؟ الدين الله سبحانه وتعالى يحفظه، ولكن ماذا أعمل أنا لهذا الدين؟ الله حافظ دينه مهما كان، ولكن هل أنا من الذين استعملوا في هذا الدين؟ فهنا الله عز وجل combien parmi nous s'acharnent et mettent tout ce qu'il y a dans leur possibilité pour que leurs enfants soient médecins, dentistes, ingénieurs et autres. On n'est pas contre, loin de là, ni les hommes de science, personne n'est contre du fait d'avoir, la communauté a besoin de médecins, a besoin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun mal à ce que ton fils soit médecin et prêcheur en même temps, qui maîtrise sa religion. Il n'y a aucun problème que ton fils soit dentiste et que soit quelqu'un qui maîtrise sa religion, ou du moins il maîtrise la science obligatoire pour tout individu, et qu'il puisse être influent dans le domaine où il est. Il n'y a aucun problème que ton fils il soit menuisier et en même temps prêcheur. Où est le problème? Mécanicien, et à travers ses métiers, il agit, il fait l'œuvre pour cette religion. Qui est pour cette religion? Cette religion, évidemment, elle est protégée par Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce que moi je fais pour cette religion? Qu'est-ce que mes enfants vont faire pour cette religion? Beaucoup, au niveau des sciences mondaines, quittent les pays de l'islam pour venir ici. Beaucoup, des fois, perdent leur religion. Et beaucoup, malheureusement, et je parle de ce que je connais, vu l'expérience qu'on a eue à l'intérieur le campus universitaire, dans une petite salle de prière, dans le Nord, combien nous avons vu de ces jeunes maghrébins, ou qui viennent de Syrie ou autres, et qui avaient un grand bagage, et malheureusement ils ont acquis des métiers et des spécialités dont la communauté musulmane a besoin. Mais malheureusement, au lieu de revenir et de servir la communauté, certains parmi eux restent ici en étant agents de sécurité avec un chien. À quoi ça sert, akh al-Islam? À quoi ta communauté a besoin de cette science que tu as? À quoi ça sert de passer tes nuits, peut-être qu'un soir, tu vas te faire poignarder par un illuminé qui est en manque? Et à quoi ça te sert ces 10 années après le bac, etc. Et que ta communauté a besoin de cette spécialité, et toi tu perds tes nuits derrière les parkings en tirant un chien. Tout ça, soi-disant, parce qu'il a trouvé la liberté. Quelle liberté, akh al-Islam? Je veux bien que tu me dises où elle est la liberté. Est-ce que le fait que tu ne puisses pas faire ta prière à l'heure, ça c'est une liberté, akh al-Islam? Le fait que ta fille ne peut pas porter le hijab, ça c'est une liberté, akh al-Islam? Le fait que quand t'arrives le sacrifice, tu as peur, la diarrhée mentale te prend depuis un mois, où est-ce que je vais égorger, où est-ce que je vais trouver le mouton, où, ça c'est une liberté, akh al-Islam? Soyons réalistes, akh al-Islam. Chasse, frère en Allah, azza wa jal, que notre liberté, elle est dans la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre liberté, elle est dans le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a interdit. En dehors de ça, ça s'appelle, comme je l'ai entendu une fois du frère Sidati, du libertinage. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. Fa man ya'mur bil ma'ruf ya akhal islam wa yanha 'anil munkar. Man yu'allim an-nas dinahum. Qui va ordonner le bien et interdire le mal, frère en Allah Azza wa Jal, et qui va apprendre aux gens leur religion. Qu'on soyons réalistes et qu'on ne se voile pas la face. Certes, le confort, il est là. Mais est-ce que ça vaut le coup de vendre sa religion et de vendre l'au-delà pour le confort? Moussa alayhi salatu wassalam rahala fi talab al-ilm. Moussa alayhi salatu wassalam a voyagé pour l'apprentissage de la science. Hein? Et c'est une sunna, c'est les hommes de science de voyager pour l'apprentissage de la science. ويدعو الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما كما أمره ربه عز وجل ويدعو الله اللهم إني أسألك علما نافعا. Notre prophète عليه الصلاة والسلام demande à Allah عز وجل و الله augmente, donne-moi plus de science, augmente ma science comme il lui a ordonné Allah عز وجل. Et il demande à Allah subhanahu, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je te demande une science bénéfique. Wa ikhwat al-islam, salafuna salih, ridwanullahi alayhim, sahabatu rasulillah, wa man tabi'ahum bi ihsan la yawm al-din, kanu ahrasa al-nasi ala talab al-ilm al-shar'i. Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, ridwanullahi alayhim ajma'in. أخذ العلم من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن الله عز وجل لكمبانيون محمد عليه الصلاة والسلام une plus ailleurs doit الله عليهم et ceux qui les suivent à la perfection. Tenez à l'apprentissage de la science et s'acharnez à apprendre cette science, hein, du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Muhammad عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضوان الله عليه, عمر, Uthman, Ali, Ridwanullah alayhim, et tous les compagnons, tenaient à l'apprentissage de la science. Et ils l'ont appris directement de Muhammad alayhi salatu wassalam, le serviteur d'Allah et le messager d'Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés avec quoi? Avec cette science qu'ils ont héritée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il en est de même pour nous, si on cherche l'honneur, la suprématie, la gloire, la quiétude dans ce bas monde, et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà, nous devons nous acharner à prendre cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. فَالْأَئِمَّةُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا سَلَفَهُمُ الصَّالِحِ رَضُوَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ حَفِظَ اللَّهُ بِهِمْ هَذَا الدِّينِ كالإمام أحمد وغيره. كان الإمام أحمد يقول رحمه الله اطلب العلم من المحبرة أي من أول لحظة تكتب فيها إلى المقبرة ومن المهد إلى اللحد أي من أول لحظة في حياتك إلى أن تموت. من الله عز وجل les imams et les hommes de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour protéger cette religion et qui était le moyen de la protection de cette religion, de cette voie de ne plus être d'Allah alayhim. Comme l'imam Ahmed et d'autres, l'imam Ahmed disait, demande la science du premier moment où tu commences à apprendre à écrire jusqu'à la tombe. Depuis que tu as commencé à écrire jusqu'à la tombe. Et demande-le du fœtus, du ventre de ta mère, jusqu'à la tombe. Ainsi ils étaient. Ça veut dire, ne rate rien dans ta vie. À tout moment. Regarde, l'imam Al-Albani, rahmatullah alayh, au dernier moment de sa vie. Au dernier moment de sa vie, il disait à l'un de ses élèves, mon âge, alors qu'il était, c'était la dernière semaine, avant qu'il meure, ridwanullah alayh, wa rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasiha jannati, il disait, ma vieillesse et ma maladie m'imposent maintenant de rejeter un regard sur Sahih al-Jami', qui était un travail qu'il avait accompli depuis 30 ans. Il y avait ses petits enfants autour de lui, qui lui rapprochaient les petits cartons dans lesquels il y allait donner. Et quand il avait besoin d'une référence, c'est l'un des petits, qui allait chercher la référence, il ouvrait la page, il lui lisait, etc. À la fin, jusqu'à la fin de sa vie, rahmatullah alayh. Et à tel point, la porte mettait du temps, prenait du temps, il s'ouvrait dans un sens, et ça prenait du temps. Il a appelé le menuisier pour lui changer la direction, pour qu'il gagne quelques secondes. Hein? Ah, il savait ce que c'est que le temps. Ils n'ont rien perdu de leur temps. Rahimahumullah ta'ala. Nous devons les prendre comme exemple. Il ne faut pas que ça devienne que juste des histoires devant lesquelles on est extasé. On bilie, etc. Là, il y a l'islam, c'est pas pour ça. Là, il faut que on passe le cap, qu'on les prenne comme modèle et qu'on s'acharne. Et celui qui s'acharne et qui s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui demande Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter le chemin. La sincérité, la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala et tenir et résister dans ta demande, Allah, il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour te combler avec ce bienfait. Fayaqul, Yaka akha al-Islam an tatakabbar. La tatakabbar ala al-ilm. Faman ta'allama fahuwa hariyun bien yanfa'a bi'ilmihi nafsahu wa yanfa'a an-nas. Ne t'enorgueille pas devant la science, frère en Allah Azza wa Jal. Car celui qui aura appris, il n'y a aucun doute qu'il va être bénéfique pour lui-même et qu'il sera aussi bénéfique pour les autres. وممن الأمثلة من واقعنا الذين ضربوا لنا أمثلة كثيرة في قضية العلم ونفع الناس الشيخ ناصر والشيخ بن باز رحمة الله عليه رحمهم الله جميعا et parmi les hommes qui nous ont donné des énormes exemples au niveau du fait de propager et d'aimer la science, هذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني qui sont proches de nous. الشيخ بن باز, on lui a dit: de ta voiture, de là où s'arrête ta voiture, on va faire un ascenseur qui te monte directement au bureau. Il a dit non, ce temps-là, je réponds aux questions à des gens, il y a des étudiants qui lisent et que je leur rectifie. Pourquoi vous allez, ne faites pas ça. N'importe quel moment, il l'utilisait pour propager la science. Hein? Cheikh Nasser, rahmatullah, allait dans sa bibliothèque jusqu'à la fin de sa vie, il lisait. Il relevait ses yeux tout simplement quand quelqu'un rentre, il lui dit salam alaykoum, il lui répond. Si la personne a des questions, il lui répond à ses questions et tout de suite, dès que la personne part, il retourne dans ses livres. Hada, ce sont les puiseurs d'Allah alayhim. Hada, ils ont accompli la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim. Ce sont nos modèles. C'est là où il faut chercher les modèles. Les gens vont chercher des modèles de n'importe quoi. Et nos modèles, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a donnés. Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons, hein, sont le meilleur des modèles. كذلك في مرضه رحمه الله تعالى يأتيه الشاب وينصح وهو في المرض فيقبل الشاب يديه ويضع جبينه على رأسه فيقول الشيخ أما القبلة فنعم أما هذه وضع الجبين فهذه سجدة لا تجوز إلا لله حتى وهو مريض ينصح ويأمر بالمعروف هذه aussi الشيخ ناصر رحمة الله على فان دو سافي à l'hôpital un jeune rentre il lui embrasse la main et après il met son front dans la paume de la main ديال الشيخ ناصر رحمة الله عليه il lui a dit quand au fait de baiser la main il n'y a pas de mal. Mais le fait de mettre ton front, ça c'est une prosternation et une éduque à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il était atteint par la maladie, jusqu'à la fin de sa vie, hein, il ordonne le bien et il blâme le mal. Et, في لحظات حرجة, hein, وهو مسافر بسيارة من المدينة إلى مكة, انقلبت السيارة. فأتى الناس ليخرجوه من السيارة رحمه الله تعالى. كان بعضهم يقول يا ستار يا ستار فقال الشيخ لا قولوا يا ستير يا ستير اسم من أسماء الله ويا ستار ليست باسم من أسماء الله في آخر لحظة من حياته écoutez maintenant c'est entre Médine et la Mecque Cheikh Nasser a un accident la voiture se renverse beaucoup de gens sont là pour essayer de le sortir et les gens disent ya ستار ya ستار Cheikh Nasser à ce moment qui est très difficile où il est, c'est très difficile d'être au-dessus d'une voiture, où les gens essayent de le sortir, il dit non, ne dites pas Ya Sittir, dites Ya Sittir, parce que Ya Sittir, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal, Ya Sittir, ça ne fait partie pas. Ainsi, regardez la science qu'il fait, n'importe quel moment, et tu ne sais pas quelle est la phrase qui va être prophétique à quelqu'un, y a quel moment, hein, ne néglige rien. Mais l'essentiel, c'est qu'on prenne la leçon de le plusieurs d'Allah alayhi. فَلَا بُدَّ لَنَا أَن نَحْرِصَ وَأَن نَتَحَمَّلَ الْمَشَاقِ فِي تَعَلُّمِ هَذَا الدِّينِ فَالدِّينُ لَا يَأْتِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الرَّاحَةِ كما قال غير واحد من السلف الدين لا العلم لا يأتي براحة الجسد فكما مزقت جين الديوك في فوق كراسي المدارس العلمانية فعليك أن تمزق جلبابك وسروالك أمام أهل العلم لكي تحفظ كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. شاش فرينا الله عز وجل qu'il faut qu'on tient et qu'on supporte les difficultés et qu'on dépense pour notre apprentissage, pour apprendre notre religion et la science qui a rapport avec notre religion. Car la science ne va pas venir te voir à la maison. Et comme tu as usé tes djinns, hein, sur les bancs de l'école laïque, ils t'ont ramé ces petits sarouels, hein, devant un cheikh au Yémen ou ailleurs pour apprendre la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et voyage pour l'apprentissage de ta religion. وَلَا بُدَّ لَنَا أَن نَتَأَدَّبَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ وَأَن نَتَأَدَّبَ وَأَن نَأْخُدَ الْأَدَبْ فِي تَعَلُّمِنَا كَمَا تَأَدَّبَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ها؟ مع الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ستجدني إن شاء الله صابرا إلي obligatoire pour nous d'avoir le comportement adéquat avec ceux, avec les hommes de science chez lesquels on va aller pour apprendre, et qu'on ait le comportement des assises de l'apprentissage, comme Moussa alayhi salatu salam, avec le khaver. Est-ce que je te suis pour que tu m'apprennes de la science que tu as? Hein? Tu vas trouver, je serai patient, incha'Allah. Kadhalika nastafidu min qissati al-khaver, anna al-khavera nabiyun awhallahu ilayhi bima fa'al wa amarah. وأمره بما فعل فموسى عليه الصلاة والسلام كان عنده علم لم يكن عند الخضر والخضر كان عنده علم لم يكن عند موسى والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه et aussi on retient de cette histoire qui est entre le khadr et Moussa عليه الصلاة والسلام que le khadr faisait partie de ses prophètes à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé et qu'il a reçu des ordres من الله subhanahu wa ta'ala pour faire des actes et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire des choses, et que Moussa alayhi salatu wassalam avait une science que le Khadr n'avait pas, et le Khadr avait une science que Moussa alayhi salatu wassalam n'avait pas, et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut dans son univers, il comble qui il veut, et prive qui il veut, azza wa jal. كثير من الناس يعتقدوا أن الخضر لم يموت بعد. Beaucoup de gens croient que le Khadr n'est pas mort encore, à tel point que certains, ils partent, hein, ce que vous, hein, ceux qui partent avec leur pactage, avec leur couverture à faire le globe trotteurs, le khourouj, ils partent certains parmi des grands. Voilà qui, des fois, ils lisaient même dans des livres d'Ibn al-Qayyim. Ils avaient un bagage très élevé. Et ils disaient une fois, ils racontaient à l'un de nos frères, qui était digne de confiance, qui est maintenant en Algérie, le khader a fait le jaoula avec nous dans le ruel de l'île Maurice. Le khader, il meurt. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est mort. Il n'avait pas à vivre. Et il est dit dans le verset, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Il est dit dans le verset, s'adressant à notre prophète, alayhi wa sallam, nous n'avons pas fait qu'un être humain avant toi soit éternel. Si tu meurs, est-ce qu'ils vont être éternels? Loin de là. Enfin, personne, hein, tout être humain est voué à la mort. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le plus noble de la créature d'Adam, alayhi salatu wassalam, est mort. Hein? Et tous les êtres humains vont mourir. Ils vont être ressuscités, min Allah, azza wa jal, le jour de la résurrection. Il en est même de l'Khadr, hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Wa yakun mawqifuna inda hadha al-hadd. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.